Bonsoir auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. Gérard Nibigira, correspondant de la radio-télévision Isanganiro en province Gitega, a été frappé ce dimanche par le commissaire communal de Gitega alors qu'il prenait une photo de policier qui molestait une personne à une station-service en plein centre-ville de Gitega. Et le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine a analysé un projet de résilience climatique pour 70 millions de dollars américains et qui sera exécuté dans 7 provinces du Burundi. En province Kayanza, on vous parlera du phénomène de mendicité qui persiste. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Alphonse Kugiman. Bonsoir, parlons médias pour débuter cette édition. Le journaliste Gérard Nibigira, correspondant de la radio-télévision Isanganiro en province Gitega, a été frappé ce dimanche par le commissaire communal de Gitega, le lieutenant-colonel de police Ndi Kubgay Jean-Prime, puis brièvement incarcéré au cachot du commissariat provincial de la police à Gitega. Gérard Nibigira était en train de prendre une photo illustrative lors d'une distribution de l'essence à la station-service chez Philippe, en plein centre-ville de Gitega. Des policiers molestaient un citoyen qui cherchait de l'essence. Après 3 heures de détention et de négociations, ce journaliste correspondant de la radio-télévision Isanganiro à Gitega a été libéré, mais le commissaire communal de Gitega, lieutenant-colonel de police Ndi Kubgay Jean-Prime, n'a pas encore, du moins jusqu'à 18h, remis le téléphone comme matériel de travail de notre collègue. Il ne répondait pas non plus aux appels pour savoir pourquoi il ne restitue pas ce matériel. Et 3 personnes soupçonnées d'être parmi des bandits armés de machettes semant la terreur ces derniers jours dans certains quartiers de la ville de Lumonge sont dans les mains de la police de Lumonge depuis samedi. Deux ont été attrapés après avoir volé de l'argent à une femme qu'ils ont blessée à la machette chez elle au quartier Guihuanya. Tôt le matin de ce samedi, le troisième serait l'acheteur de ces objets volés. Au niveau de la police de Lumonge, on confirme ces arrestations. Cela et d'autres récemment arrêtés dans le quartier Bilimba, soupçonnés de faire partie de cette bande, subissent un interrogatoire pour être traduits en justice selon le commissariat provincial de police de Lumonge. Restons en province Lumonge où certains quartiers de cette ville comme Mugomere Iteba font face à un phénomène inquiétant de ravinement. Certains parmi ces habitants de ces quartiers tirent la sonnette d'alarme en faveur d'une intervention urgente. Augustin Minani, administrateur communal de Lumonge, dit qu'en collaboration avec le Bura, ils sont en train de voir comment stopper au moins l'avancée de ce phénomène, nous rapporte Jean-Pierre Misago. Cassien, balance à diriger, est l'une des personnes inquiétées par ce phénomène. Même s'il est en train de construire une maison, il a peur de l'avancée du ravin d'à côté. Il explique que les sacs de sable utilisés ne sont pas parvenus à stabiliser ce ravin constitué dans une piste. De son côté, Habineza Venansi, habitant près de ravin, évoque un cas d'accident grave d'un enfant tombé récemment dedans. Ceux-là qui se sont exprimés demandent l'intervention des pouvoirs publics, comme cela a été déjà le cas dans certains coins de la ville de Lumonge. Jean-Claude Sanzumukiza, chef de 10 maisons sur la sous-colline Massare, de la colline Mugomere, l'une des collines menacées, dit tenir régulièrement informé ses supérieurs, d'où il attend toujours une réaction. Augustin Minani, administrateur communal de Lumonge, dit qu'il s'agit de travaux exigeant des moyens financiers hors de la portée de la commune. Il informe tout de même qu'en collaboration avec l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, on va y effectuer une descente, ne fût-ce que pour voir dans quelle mesure l'élargissement de ces ravins pourrait être stoppé. Jean-Pierre Misago depuis Lumonge, Radio Isanganiro. Parlons éducation à présent. La coalition des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale COSESONA demande qui est évaluation des réformes dans l'enseignement et de réinstaurer le concours national de 6e année et réinstaurer la classe de 10e ainsi que le test national qui était organisé lors d'une conférence de presse animée jeudi de cette semaine. Victor Ndaba Niwe, président de cette coalition, a indiqué que l'amélioration de l'éducation au Burundi devrait se baser sur l'adaptation des curricula aux besoins réels de la nation. On écoute au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Reconnaissant que les conséquences des décisions prises antérieurement au niveau de l'éducation qui n'ont pas été observées directement, nous voudrions demander à toutes les institutions publiques de déclencher les processus liés aux éléments suivants. Premièrement, à la politique de motivation des enseignants en vue de rendre les professions très attrayantes. La réinstallation du concours national de 6e et certains des programmes d'enseignement qui étaient dispensés, en l'occurrence le français comme langue d'apprentissage. L'évaluation de toutes les réformes éducatives en cours et à la réinstallation de la classe de 10e année ainsi que le test national qui était organisé. À l'adaptation des curricula aux besoins réels de la nation, aux besoins des employeurs et au niveau des enseignants dont dispose le pays. À la mise en place d'un département de suivi de l'enseignement privé et au renforcement de l'éducation de base donnée en famille. À la reconnaissance et à la protection des organisations syndicales à travers les moyens de fonctionnement, les initiatives et les représentants. À la sensibilisation des partenaires techniques et financiers qui appuient l'éducation pour qu'ils participent à l'amélioration des conditions de vie des enseignants actuellement en difficulté socio-économique occasionnée par la flambée des prix de tous les produits de première nécessité. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons cette édition à 18h08 dans le studio de la radio Isanganiro. Une dizaine de ménages occupant le périmètre concerné par la construction du port de Rumonge seront délocalisés selon le conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. Dans un extrait du compte rendu, Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement, informe que c'est sur financement de la Banque mondiale. La délocalisation de ces ménages sera entièrement financée sur fonds du projet. On l'écoute. En date du 7 février 2024, le Conseil des ministres a analysé un projet de décret portant déclaration d'utilité publique du site où sera construit le port de Rumonge. À cette occasion, le Conseil des ministres a recommandé de mettre en place une commission interministérielle afin de vérifier les aspects suivants. Premièrement, le nombre exact de ménages concernés. Deuxièmement, s'assurer que tous ces ménages se trouve au-delà des 150 mètres du lac Tanganyika. Selon les procédures nationales, les 13 ménages identifiés devraient tout simplement libérer les terrains qu'ils occupent car ils se trouvent dans la zone tampo interdite d'occupation. Toutefois, l'accord entre le Burundi et la Banque mondiale pour le financement du projet prévoit que les personnes affectées par les travaux de construction du port devraient être délocalisées conformément aux exigences des politiques de sauvegarde environnementale et sociale qui gouvernent le financement de la Banque mondiale. La note propose que le gouvernement du Burundi accorde une dérogation aux procédures nationales pour permettre la délocalisation des 13 ménages installés dans les limites du périmètre des 3,4 hectares initialement prévus dans le cadre de cet accord de financement du projet. Cette délocalisation sera intégralement financée sur les fonds du projet. Le Conseil des ministres a adopté la proposition de la note. Le même Conseil des ministres a analysé un projet de résilience climatique des collines du Burundi pour une enveloppe de 70 millions de dollars américains et sera exécuté dans cette province du Burundi. Suivez. L'objectif de ce projet est d'intensifier la gestion intégrée des bassins versants et d'améliorer la résilience des moyens de subsistance des communautés fragiles dans les collines cibles du Burundi pour arrêter et inverser le taux alarmant de dégradation des terres. Dans le cadre du projet, il s'agit de renforcer la capacité des communautés locales à se préparer à résister et à se rétablir et s'adapter aux effets du changement climatique, notamment aux inondations et glissements de terrain, aux sécheresses et d'autres menaces climatiques majeures au Burundi. L'enveloppe totale du projet est de 70 millions de dollars américains, dont 50 millions de dollars mis à disposition par la Banque mondiale, avec un cofinancement de 20 millions de dollars du Fonds environnemental mondial. Le projet interviendra dans 7 provinces, à savoir la province de Gitega, province de Cibitoke, Kirundo, Kayanza, Bujumbura, Muyinga et Bururi. Après échange, le projet a été adopté avec la recommandation d'entretenir les courbes de niveau déjà tracées et d'envisager l'évolution du projet en un programme national. Poursuivons cette édition, la mesure interdisant les motos et tricycles d'opérer en plein centre-ville de Bujumbura s'est basée sur des soucis de sécurité au nom de déplacement, répond le ministre de l'Intérieur dans une conférence publique des ministres tenue en province Makamba vendredi. Martin Niteretse a par la même occasion informé que les accidents et autres infractions commis par les conducteurs de ces motos et bajages ont sensiblement diminué. Suivez-le dans cette traduction française de Jean-Marie Vianney Ndakouman. Nogomba menyeshe ko ikibazo cyo guhagarika amapikipiki n'amabajaji bibanza bimwe bimwe byo mu kugarashabujumbu. Je voudrais informer la mesure à l'encontre des motos et bajages dans certaines localités de la ville a été prise sur base d'une requête des OPJ qui nous ont montré les statistiques des accidents routiers et d'autres infractions au centre-ville causées par les conducteurs de ces motos et bajages. Ainsi, ils nous ont demandé qu'ils soient placés dans ces localités occupées aujourd'hui. Ça, c'est un travail technique et nous voyons que ça allait ici car les infractions ont sensiblement diminué. Aujourd'hui, on ne dirait pas qu'on revient sur notre mesure suite à la situation actuelle de problèmes de déplacement. De toutes les façons, ces motos et bajages consomment aussi du carburant et non de l'eau. Ce que nous faisons actuellement, c'est de faciliter les bus et les coasters pour le transport en commun. Ramener ces motos et bajages en plein centre-ville, ce n'est pas une question de déplacement, mais une question de sécurité selon les informations des OPJ. Ikibazo cyo kwiyunguruza ni ikibazo cy'umutekano bivanye nuko inyamirama bizatweretse ibazo kungera bimeze. Je veux l'annoncer en titre, le phénomène de mendicité des enfants comme des adultes continue dans la ville de Kayanza. Léon Niomung, le psychologue clinicien et social, trouve que celui qui mendie ne peut en aucun cas se développer. Godefroy Niyonizigi, administrateur communal de Kayanza, indique que les mendiants sont des personnes voulant vivre de la sueur des autres sans travailler, d'où il faut les réintégrer dans leur famille pour le développement local. Le point avec Patrick Sengiumf. Les mendiants en ville de Kayanza se font observer surtout dans des lieux comme devant les restaurants et au marché de Kayanza. Les adultes qui mendient en ville de Kayanza n'ont pas voulu s'exprimer au micro sur les raisons qui les ont poussés à faire de la mendicité. Mais les enfants mendiants en ville de Kayanza avec lesquels nous nous sommes entretenus ont indiqué qu'ils mendient parce qu'ils sont ici des familles pauvres et qu'ils le font pour participer à la survie de leur famille. Léonie Omungele, un psychologue à Kayanza contacté à ce sujet, a fait savoir que les raisons qui poussaient des enfants comme des adultes à mendier sont multiples. Là, il donne l'exemple des enfants qui mendient parce qu'ils ont quitté leur famille après avoir été traumatisés d'une façon ou d'une autre par leurs parents, ou bien parce qu'ils ont été envoyés dans la route mendier par leurs parents afin de participer à la survie de la famille. Ce psychologue trouve que des adultes et qui mendient sont des paresseux qui cherchent à vivre sans travailler en profitant ce que gagnent les autres qui travaillent. C'est le Godefroy Niyonizigi, administrateur communal de Kayanza, que ce soit pour des enfants ou pour des adultes, la mendicité est une mauvaise pratique que des personnes qui ont développé à nuit l'esprit de la paresse et de la fainéantise. Cette autorité administrative et communale à Kayanza indique qu'une rafle pour des mendiants en ville de Kayanza sera prochainement organisée par l'administration conjointement avec la police pour faire retourner les mendiants à leur colline d'origine et les réintégrer dans le développement communautaire avec les autres. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiouva pour la radio Isanganiro. Et pour clore cette édition, le président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, est en visite officielle au Burundi. Il a quitté N'Djamena ce dimanche 30 juin pour Bujumbura sur invitation du président burundais Evariste Ndayishimiye. Selon le journal tchadien, le chef de l'État tchadien prendra part aux festivités marquant la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi, prévue ce lundi 1er juillet 2024, a souligné la présidence tchadienne. Voilà, 18h16 dans le studio de la radio Sanganiro. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également Alphonse Kugimana qui assure parfaitement la mise en onde. Très bonne soirée, au revoir. Sanganiro.